j'ai décidé de faire mon lavage, de laver mes deux seules chemises en fin de semaine. T'es abominable. Ça se lave pas avec d'autres linges, ça, hein? Non, ça... C'est pas Ghislain qui fait ton nettoyage? Non, un petit conseil de même, là, pour les gars qui font leur propre lavage. Quand vous avez des chemises propres, là, ça va pas avec un coton ouaté, des jeans, des bas, des bobettes et une serviette de douche. Non, tu peux pas mettre ça pantoute avec ce linge-là. Il est rendu avec la petite mousse partout, c'est écoute, ta chemise noire. Ma chemise jaune serein, là, poussin, là, est bleue. Puis ma chemise noire... est blanche. Il y a plein d'affaires de résidus de je sais pas quoi qui s'est ramassé sur ma chemise. Fait que je me suis dit, je vais la relaver une deuxième fois. Puis dans ma tête, je me suis dit, c'est peut-être la serviette de douche. Fait que je l'ai lavé une deuxième fois, mais avec des bas, avec une autre paire de jeans, puis avec un autre chandail. Mais sans la serviette. Mais sans la serviette, elles sont sorties pareilles. Fait que c'était pas la serviette finalement. Donc aujourd'hui, je suis allé donner ça chez le nettoyeur. Fait que je suis arrivé tantôt à matin à 8h, j'étais au nettoyeur. Je dis, madame, j'aimerais ça laver mon petit veston et mes deux chemises, s'il vous plaît. La noire et la bleue? Tu vas là en veston, chemise. Oh oui, ça me tente d'être propre, mais avec mes jeans puis mes docks. Ça compense un peu, tu sais. Oui, je comprends. C'est comme un shredded wheat. Mm-hmm. Petit côté givré puis un petit côté santé. Non, ça me tentait, là. Puis c'est pas grave, là. Tu peux bien t'habiller. Moi, peut-être être le gars plus propre habillé dans la place, là, ce soir-là. J'en ai aucune idée puis peut-être je m'en fous comme dans l'air. Tout le monde a sa stratégie ce soir-là. Ah oui, mais moi, j'ai pas de stratégie de ramasser personne. Fait que je voulais juste m'habiller beau. Fait que là, j'arrive à matin au nettoyeur et la madame, première réaction puis je la remercie. Elle dit, wesh. Ben oui. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que tu penses? Je suis allé chez votre concurrent à l'autre bord de la rue. Je l'ai acheté de même. Tu sais, la madame me faisait sentir toute mal. Ça va-tu partir? Ça partira pas. Fait que là, frotte encore un peu. Elle dit, ah oh, ouais, ok, ça, je devrais être capable de le faire partir. Fait que là, regarde mon autre chemise. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai fait le lavage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon. Puis en plus, ça me faisait suer. Parce qu'en fin de semaine, la gang de féministes est encore sortie dans le Journal de Québec pour nous faire un gros portrait que les femmes en ont assez parce que les gars font pas assez de ménage dans la maison. On n'est pas capable de le faire. On n'est pas capable. On n'aime pas comme du monde. Puis on n'aime pas ça, faire le ménage. Vous êtes à peine 17% à faire la lessive, Carl. Ben, regarde, je t'inclus. Regarde comment ça va pas puis bien. Puis je peux te dire que tu peux marquer 16 parce que plus jamais m'a fait mon lavage à partir d'aujourd'hui. Je vais m'acheter, m'a loué une femme de ménage. Ah non, écoute, mais on n'aime pas ça faire le lavage. Arrêtez de nous faire sentir comme des cheap, là, puis de nous faire sentir mais comme des lâches. On dirait que c'était asservé à ça, hein. Ouais, c'était fatiguant. Moi aussi, je me sentais mal pour vous autres. Ben là, moi, je lisais ça. Elles en ont assez. Fait que là, tu mets la photo d'une fille, surtout qui est frustrée. Pas, qui est pas une grosse lettre, là. Moi, j'ai rarement vu des filles faire du ménage de même. En passant, là, habillées quand même assez sexy avec un décolleté plongeant. Puis les gants de caoutchouc. Puis les gants de caoutchouc avec un beau petit bandeau d'un cheveu. Ah, ben là. Ça, c'est le Journal de Québec tout craché. Ça, c'est le Journal de Québec. Ah, oui. Le front page de samedi, là, je me suis dit, non, arrêtez, là. Arrêtez, là. Les gars, c'est plate, là. Mais t'as-tu vu que ta fille, ta chick, ça sort avec un gros légume effoiré dans le divan? Comprends pas. Je me suis dit que si lui est capable de pogner ça... Qu'est-ce que moi, je peux faire? J'ai des chances. Non, mais c'est vrai. En fin de semaine, c'était ça. Dans le Journal de Québec, samedi, dimanche, c'était la même affaire. C'est Isabelle Maher qui a décidé de faire ce dossier-là. Isabelle Maher qui écrit aussi... Bon, ben, elle fait partie de Québécois. Là, c'est Journal de Montréal, Journal de Québec. Une maudite belle femme sur le front du journal pour décrire la femme qui, malheureusement, est obligée de faire tout le lavage puis le ménage à la maison. Puis un Christy de gros lâche effoiré sur le divan. Comme moi, les fins de semaine, après avoir trop viré le vendredi, où j'ai de l'air d'un gros épais. C'était vraiment ça, là, en fin de semaine. Hey, mais est-ce qu'on peut se le dire? Le ménage, c'est pour les femmes. Ah, vous ça êtes dépend. Bonnes là-dedans. Il y a là-dedans. Des gars qui triplent là-dessus. Non, oui. Moi, je trouve que c'est un travail d'équipe. C'est un travail de femme, le ménage. Lâchez-moi ça. Les femmes, vous êtes bonnes. Vous checkez, vous tournez pas les coins ronds. C'est important pour vous autres, la propreté. Tu peux pas demander à un gars pour qui la propreté est pas super important de nettoyer une maison ou encore un appartement. Non. Tu peux pas. On n'est pas capable. Non, il y a beaucoup de logistique là-dedans. Oui, c'est beaucoup d'organisation, puis vous êtes bonnes là-dedans. Les filles, là, ils ont des qualités pour faire le ménage. Les gars ont d'autres qualités. On va lever le divan pour qu'elle passe la mop en dessous. Voilà, un tuyau qui pète. Un problème à quelque part. On est manuel. On est comme ça. Aller pelleter à court. Avez-vous déjà vu une femme aller pelleter une cour? Ben, Non, non, mais Marie, toi, tu fais pas partie. Ben, chez nous, à chaque fois que je parle des femmes, totalement. C'est tout le monde sauf toi, là. Mais il n'y a rien que je trouve pire qu'une tempête de neige puis qu'il y a le gars qui va le péter tout seul de chez eux, là. Tu sais, la fille, elle sort pas. Ben oui, mais ça, il fait faire de l'exercice. Ça a servi à quoi, le féministe, finalement? Le gars, faut qu'il fasse la vaisselle, mais la fille, va pas pelleter. Mais ça, je suis tanné de tout ça. Parce que tout le monde va être égaux, là. Ah, l'homme, ah, la femme, c'est pareil. OK, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a des affaires que les gars sont bons pour faire que les filles sont pas bonnes. Puis j'ai des choses que les filles sont très bonnes pour faire, puis les gars, on n'est pas bons. Ben, encore heureux, sinon pourquoi que le monde se mettrait en couple? Ben, sérieusement, ça sert, hey, la journée où j'ai un lave-vaisselle qui me suce, fuck la blonde, hein, m'a dire une affaire, oublie ça, je veux rien savoir. Mais c'est vrai, arrêtez. Tu sais, je suis tanné d'entendre, oh, les gars, hein, puis on est l'égalité entre les hommes et les femmes, j'ai pas de problème là-dessus, là. Puis je comprends que des années 60, des années 50, la femme, c'était quasiment rien, puis tu restes à la maison, puis tu fermes ta boîte. Mais aujourd'hui, là, il y a des affaires que c'est faites pour les femmes, puis des affaires que c'est faites pour les hommes. Puis il y a des affaires que les femmes, vous êtes pas bonnes, puis vous le ferez pas, parce que nous autres, on est bons. Il y a des affaires que les femmes sont bonnes, puis on n'est pas bons. Mais le ménage, le travail d'équipe, faut déléguer. L'homme n'est pas fait pour faire le ménage. On est fait pour faire plein d'autres affaires. Pour chasser. Puis ça pourrait... puis se gratter. Mais... pour chasser. Ben oui, entre autres, là, ben il y a d'autres choses. Ben c'est viril. Je comprends pas d'ailleurs comment ça qu'elle l'a pas mis dans cette espèce de peau pourrie, de toutes sortes de statistiques, là. Parce qu'ils ont juste pris des activités de bonnes femmes dans le journal, puis ils ont demandé s'il y a des hommes qui font ça. Ceux qui le font, là, c'est ceux qui ont plus de couilles ou les gays. Ben c'est ça, j'allais dire. D'habitude, il y a toujours un article dans l'année aussi où on nous dit que les gars qui font le ménage, c'est pas sexy. C'est vrai que ça revient. Branchez-vous, là. Branchez-le. Moi, je suis bon là-dedans. Moi, j'ajoute à le brancher là, je te plug ça. Même s'il y a de la crasse, ça sent bon partout quand même. Bonne. Mais j'avoue que je te verrais mal avec un petit bandeau pis tes petits gangeons. Ben, j'aime pas ça nettoyer. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, là, en 2014, puis je reviens encore là-dessus, l'égalité homme-femme. Je veux pas être plate, là, mais une femme police, pour moi, ça a pas de sens. Une femme pompière, pour moi, ça a pas d'allure. Puis je pourrais vous... Tu sais, un gars infirmier, j'ai bien de la misère avec ça. Parce que moi, j'ai de la misère à prendre soin de moi. Puis l'homme, en général, a de la misère à prendre soin de lui. C'est pour ça qu'il a besoin d'une femme. Tu sais, l'homme infirmier, là... Je trosse pas ça tant que ça. Puis j'ai rien contre ça, là. C'est correct. Puis il y a des gars qui ont des aptitudes. Bon. Ben, puis je suis allé à l'hôpital il y a pas longtemps, puis ils sont super fins. Puis c'est juste des gars qui se sont occupés de moi. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Mais il y a des choses que les gars, ils ont des aptitudes pour, que les femmes n'ont pas et vice-versa. Je trouve ça dommage dans l'égalité. C'est que là, maintenant, une femme est capable de faire la même chose qu'un homme. Non. Un homme, c'est physique. Une femme, c'est mental. Aussitôt qu'on a compris ça, là, on peut passer à l'autre étape, là. C'est qu'aujourd'hui, ah non, en fin de semaine, je regardais ça. Bon, premièrement, elle a raison. Je suis pas capable de faire du lavage. Ça, je le sais. Mais à un moment donné, là, chez nous, là, c'est fatigant. Là, l'égalité. J'ai rien contre l'égalité. J'adore les femmes, vous le savez. Puis je vous respecte du plus haut point. Je vous adore, je vous aime toutes. Et des affaires, vous êtes vraiment nuls. Puis nous autres aussi, les affaires, qu'on est vraiment pas bons. Comme tu es une araignée. Hey, j'étais viril en maudit en fin de semaine en arrivant au couche-tard, puis la caissière, elle avait une araignée proche de sa caisse. Je suis sorti de là, genre, ha, moi, homme, moi, tué araignée, moi, sauvé couche-tard. C'est ça, moi, pas trop vite, mais moi, capable d'utiliser mes mains, moi, laisser mon cerveau à la maison. Moi, les chasses. Moi, chasse, toi, femme. Et midi dans Monette. Monette, Radio X.